descend dans les grands hôtels. Il a beaucoup de personnel. Il a aussi beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il est mon amant. C'est un monsieur très distingué. C'est un monsieur qui est marié. Ses enfants seront très bien élevés. Comme il se doit, sa femme est blonde. C'est un monsieur très demandé. Les gens l'écoutent parler. Il est de la haute société. C'est ce qu'on appelle un homme du monde. Il a aussi un petit chien. On dit qu'il fait beaucoup de bien. Sa femme, moi et puis le chien, nous faisons partie de ses biens. C'est un monsieur très distingué. C'est un monsieur qui est marié. Ses enfants seront très bien élevés. Comme il se doit, je ne suis pas blonde. Monsieur-là peut tout acheter, aime l'illusion d'être aimé. Il est de la haute société. C'est ce qu'on appelle un homme du monde. Je sais pourtant qu'un jour viendra, tout doucement il me dira: cher ami, je suis désolé, nos relations doivent cesser. C'est un monsieur très distingué. C'est un monsieur qui est marié. Ses enfants seront très bien élevés. Comme il se doit, sa femme est blonde. Je resterai seule à pleurer. Mon amour sera bien payé. C'est comme ça, dans la haute société, c'est ce qu'on appelle les gens du monde.